Répondre se dit antworten. Dans antworten, il y a Wort. Das Wort, c'est le mot. Donc, antworten, répondre. Et die Antwort, c'est la réponse. Comment diriez-vous il répond? Er antwortet. Bien, er antwortet. Et il ne répond jamais? Er antwortet nie. Er antwortet nie. Et comment diriez-vous il n'a pas encore répondu? Er hat noch nicht antworten. Geantworten. Non, la fin du mot ressemble à la forme du présent que nous avions tout à l'heure pour er. Geantwortet. Er hat noch nicht geantwortet. Er hat noch nicht geantwortet. Appeler se dit rufen. Rufen. Lorsqu'on plonge dans le passé de ce verbe, on trouve non pas geruft, mais gerufen. Gerufen. Alors comment diriez-vous il a appelé? Er hat gerufen. Er hat gerufen. Anrufen, c'est appeler au téléphone. Téléphoner. Vous appelez votre ami Anne au téléphone. Anrufen. Bien sûr, vous pouvez aussi dire telefonieren. Téléphoner. Mais continuons d'utiliser anrufen. À votre avis, est-ce que la particule de ce verbe est suffisamment forte pour se détacher? Bah, je crois que oui, parce que vous avez insisté dessus. En effet, j'ai dit anrufen. Tout à l'heure, on avait vu qu'en plongeant dans le passé de rufen, on trouvait gerufen. Gerufen. Donc, en plongeant dans le passé du verbe anrufen, on trouvera angerufen. Angerufen. Car la particule an se détache, donc angerufen. Alors, comment diriez-vous « il m'a appelé au téléphone » Er hat mir. Il a appelé moi et non à moi. Mich angerufen. Bien. Er hat mich angerufen. Et maintenant, comment diriez-vous « je vous ai appelé ce matin pour vous dire que j'arriverai ce soir et que je serai chez vous à 10 heures » Commençons par je vous ai appelé ce matin. Ich habe heute Morgen. Ich habe. Je vous ai appelé. Ich habe Sie heute Morgen anrufen. Lorsque vous plongez dans le passé de rufen, vous trouvez gerufen. Et si vous plongez avec anrufen, vous trouvez angerufen. Bien, donc. Ich habe sie heute früh ou heute morgen ou heute Vormittag angerufen. Pour vous dire, lorsque pour est employé avec un verbe à l'infinitif, on doit employer suivi d'une construction avec zu. Par exemple, pour faire quelque chose, c'est etwas zu machen. Alors comment diriez-vous pour vous dire vous dire, sie, dire à vous, vous dire, ihnen, ihnen, zu sagen. Bien, ich habe sie heute früh, ou heute morgen, ou heute Vormittag angerufen, ihnen zu sagen, que j'arriverai ce soir. Dass j'arriverai, au conditionnel, donc que j'arriverai ce soir, se dit dass ich heute Abend angekommen werde. Si vous utilisez angekommen, c'est que vous avez plongé dans le passé. Or, je ne vois rien qui vous fasse plonger dans le passé. Vous auriez pu plonger avec que je serais arrivé, mais pas avec que j'arriverai. Reprenons à pour vous dire. Ihnen zu sagen. Ihnen zu sagen. Que j'arriverai ce soir. Dass ich heute Abend ankommen werde. Vous venez de dire que j'arriverai ce soir, que je vais arriver ce soir. Vous avez employé un futur alors que je demandais un conditionnel. Comment diriez-vous que j'arriverai ce soir au conditionnel? Ne vous précipitez pas, procédez étape par étape. Dass ich heute Abend ankommen würde? Oui, dass ich heute Abend ankommen würde. Et que je serai chez vous? Chez vous se dit bei Ihnen. Comment diriez-vous et que je serai chez vous à 10 heures? Und que das je serai chez vous, c'est un conditionnel et dass ich bei Ihnen sein würde. Bien, à 10 heures, c'est um 10 Uhr. Um 10 Uhr. 10, c'est 10. Um 10 Uhr. Um 10 Uhr. Bien. Und dass ich bei Ihnen sein würde um 10 Uhr. Ou? Und dass ich bei Ihnen um 10 Uhr sein würde. Vous pouvez dire, comme vous l'avez fait, que je serai chez vous, dass ich bei Ihnen sein würde, puis ajouter après réflexion, ah, à 10 heures, um 10 Uhr. Ou dire la phrase d'une seule traite, dass ich um 10 Uhr bei Ihnen sein würde. Et maintenant, comment diriez-vous, je serais arrivé plus tôt si je l'avais su? Je serais arrivé plus tôt. Ich wäre. Bien, ich wäre. Je serais arrivé plus tôt. Ich wäre. Là, vous partez du plongeoir être pour plonger dans le passé. Donc, je serais arrivé plus tôt. Früher. Oui. Ich wäre früher. Angekommen. Bien. Ich wäre früher angekommen. Si je l'avais su. Wenn ich hätte. Oui, mais wenn entraîne le même ordre de mots que weil. Donc, si je l'avais su. Wenn ich. Ah oui. Wenn ich es gewusst hätte. Bien. Wenn ich es gewusst hätte. Je serais arrivé plus tôt. Ich wäre früher angekommen. Si je l'avais su. Wenn ich es gewusst hätte.